La lune s'installe doucement dans la nuit, mais il n'y a personne pour le voir. Un royaume de solitude, c'est ce qui arrive tous les soirs. La bête qui hurle en moi ne pense plus à demain. Elle est bien trop forte, j'ai lutté en vain. Ils vivent le jour et dorment la nuit. Quoi que tu fasses, ce sera toujours ainsi. On ne peut pas tout échanger. Je veux essayer. Exilé pour toute une éternité, libéré, exilé, c'est décidé, je m'en vais. La lune est à moi, ma sœur a le reste, perdu dans les ténèbres. Le noir est pour moi le prix de la liberté. La hauteur, tout semble insignifiant. La tristesse, l'angoisse et la peur me suivent encore longtemps. Elle va bien voir cette guizoune, car moi je suis la princesse Nightmare Moon. Le bien, le mal, je dis tant pis, I'm free. S'exprimera par une nuit éternelle, et le règne de Célestia s'achèvera pour de bon. Oui, je reviendrai dans 1000 ans pour venger.